Bilan, page 70. Activité 1, piste 58. Paul, tu as un livre orange ? Oui, j'ai un livre orange. Et là, regarde, j'ai un crayon rose et une gomme verte. Est-ce que tu as un stylo jaune comme moi ? Mais oui, Émilie.